Reflet, niveau 2. Achète 2000. Dossier 1. Première partie, l'arrivée. Sur la place d'un petit village, deux hommes âgés, Raymond et Joseph, sont en train de discuter. Une voiture arrive. Tiens, des touristes. En cette saison, c'est rare. C'est pas des touristes. C'est les Parisiens qui ont racheté le café-restaurant de Maurice. Eh, il a pas fait une mauvaise affaire, Maurice. Il y avait qu'un Parisien pour l'acheter. Pourquoi tu dis ça? Il ne marche pas si mal, son restaurant. D'après Maurice, ça n'est pas un restaurateur. Il était dans l'informatique. Ou quelque chose comme ça. Il y retournera peut-être plus tôt que prévu dans l'informatique. Bernard et Corinne, les deux Parisiens qui ont acheté le restaurant, regardent à l'intérieur. Le restaurant est fermé. Tu es sûr qu'on avait rendez-vous ici? Ben oui. Oui, j'en suis sûr. Laura, une adolescente de 18 ans, sort de la voiture, l'air mécontent. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Maurice n'est pas là et que le restaurant est fermé. Mais ça commence bien. Si elle continue à faire cette tête, je vais vraiment me fâcher. Il faut la comprendre. Quitter Paris pour aller vivre dans un petit village où elle ne connaît personne. Mais ce n'est pas grave. Tu la connais. Elle ne va pas faire la tête longtemps.